explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Mais croyez-vous que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Il est des professions dont le voyage fait partie intégrante. L'album de souvenirs du temps d'un bivouac vous propose de revenir sur deux d'entre elles, très différentes l'une de l'autre. La première, c'est celle d'agents clandestins, ou d'espions si vous préférez. Quelle est la nature des missions que l'on confie à ces agents? Comment sont-ils recrutés et formés? Dans quel pays vont-ils? Et comment voyagent-ils? Nous allons tenter de lever un coin du voile avec Jean-Christophe Notin, qui exceptionnellement a pu rencontrer des agents clandestins ainsi que des chefs de poste de la DGSE. À partir de ses entretiens, il a fait un documentaire, Les Guerriers de l'Ombre, et a aussi publié un livre aux éditions Talendier, également intitulé Les Guerriers de l'Ombre. Il va nous dire ce qu'il a appris sur ces hommes et ces femmes, engagés, souvent seuls, sans armes, dans des régions parfois hostiles. Le second métier qui fait voyager, auquel nous nous intéresserons, est moins dangereux. C'est celui de rédacteur de guide de voyage, avec Jean-Bernard Carrier, auteur pour les guides Lonely Planet, et Benoît Luchini, auteur et rédacteur en chef adjoint du Guide du Routard. Mais tout de suite, on part pour un bivouac dans un nid d'espions. L'adrénaline est un shot très addictif. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre que de passer une frontière en clandestin qui est aussi excitant. Et puis, comme j'avais travaillé sur beaucoup de zones différentes, beaucoup de pays différents, beaucoup de thématiques différentes, il y avait un sentiment de renouveau assez fréquent. C'est une discussion qu'on a pu avoir avec des journalistes de guerre. Ils ont aussi le même type d'addiction. Où ils sont sur un théâtre et rentrés à Paris, au bout de quelques semaines, leur passeport les démange et ils ont envie de repartir. Des voyageurs d'un genre un peu particulier dans ce temps d'un bivouac, extrait d'un témoignage de l'un de ces agents secrets que vous avez rencontré pour votre documentaire et votre livre, Les Guerriers de l'Ombre, Jean-Christophe Notin. Le point commun de ces hommes et de ces femmes, c'est le goût pour les émotions fortes, pour l'adrénaline, c'est ça qui est leur point commun principal? Oui, enfin, il y en a un certain nombre, mais évidemment, comme ce sont des gens, il faut bien voir qu'ils évoluent dans le secret le plus complet, qu'ils ne cherchent aucune reconnaissance, qu'il n'y a aucune médaille, aucune gratification financière. Par définition, c'est secret. Donc, il faut forcément des motivations différentes. Et donc, en particulier, l'adrénaline, le goût du voyage, le goût de l'audace, de l'improvisation, mais aussi également le service du pays et la défense des intérêts généraux. Est-ce que ça passe pas un peu en arrière-plan, ça? Est-ce que vraiment on fait ça par sens du devoir? Est-ce qu'on fait ce genre de métier par sens du devoir? Non, alors ça, ils vous répondent très honnêtement que non, ils vont pas prendre tant de risques pour le service du pays. En général, ils arrivent à restreindre cette question-là à un entourage proche. C'est pas pour défendre la France ou défendre l'État, c'est pour défendre ses proches, sa femme, ses enfants, éviter qu'ils soient la victime d'attentats comme on peut en voir aujourd'hui. Mmh. Donc ça, c'est un des moteurs principaux. Après, il y a, une fois de plus, c'est pour arriver à se lever chaque matin dans des pays en guerre, dans des conditions très particulières de risque. Il faut des motivations différentes et complémentaires. À quel service appartiennent-ils exactement? Ils sont à la DGSE, mais dans l'organigramme, il est où le service auquel ils appartiennent? Alors, le service dont on parle beaucoup dans le documentaire et dans le livre, c'est un service dit clandestin, qui porte un nom différent. Mais la clandestinité peut être utilisée par d'autres services au sein de la DGSE. La clandestinité, c'est agir dans le secret, prendre un nom différent, ne pas revendiquer son appartenance à la DGSE. Ça, à peu près tous les agents de la DGSE peuvent être amenés à le faire. Après, il y a ce service qui le fait de manière très particulière, très, isolé physiquement par rapport au reste de la DGSE, puisque le but est la préservation du secret, y compris vis-à-vis des petits camarades au sein de la DGSE. À quoi ils servent? Quel genre de mission on confie à ce service? Alors, on est vraiment dans le cœur du travail de la DGSE, qui n'est pas, contrairement à l'imagerie populaire, de détruire, de tuer. Le but de la DGSE est de recueillir du renseignement. C'est 99,99% de son travail. Donc, le but de ce service, c'est de recueillir du renseignement à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire un renseignement que l'on ne va pas obtenir par d'autres moyens techniques, dont des interceptions, ou le travail du poste, c'est-à-dire du représentant de la DGSE dans le pays, qui va voir ses sources, mais avec un passeport diplomatique. Tout le monde sait à peu près qu'il appartient à la DGSE. Là, ces gens-là, on ne sait pas qu'ils appartiennent à la DGSE, donc on espère que par ce biais-là, on va recueillir un renseignement différent, de plus haute qualité. Des agents clandestins, ils portent bien leur nom. Alors, c'est une particularité française d'employer autant d'agents clandestins? La France fait partie des très petit nombre de pays qui l'utilisent, ce mode de clandestinité. Quels sont les poussé. Autres pays? Donc les grandes nations, les États-Unis, qui y sont revenus de manière récente, qui avaient abandonné ce savoir-faire dans les années 70, 80, 80. Ben, enfin, à vrai dire, c'est 2001 qui a relancé beaucoup ce mode opératoire. Les attentats du 11 septembre? Oui, parce que les attentats ont mis en évidence que le renseignement technique ne suffisait pas. On a beau écouter des gens, si ces gens ne parlent pas ou s'ils ne se promènent pas avec une arme, le satellite ne le verra pas, l'interception ne l'entendra pas et donc on ne le coincera pas, entre guillemets. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que vous nous dites, bon voilà, les Russes, les Israéliens, les Anglais, les Américains, les Français ont ce type de service d'agents clandestins. Mais si, comment on sait que les autres n'en ont pas, si c'est clandestin? C'est une bonne question. Mais c'est une petite communauté, en fait. Vous savez, les services secrets ont beau être secrets, il y a quand même des relations avec les grands services. Donc la DGSE a des relations historiques avec le MI6, avec la CIA, avec le FSB. Donc ça c'est, et puis il y a un historique, il y a quand même un savoir-faire, des gens qui vieillissent, qui ont croisé des agents soviétiques à l'époque, ou des agents américains, ou des agents israéliens, et ces gens-là se parlent. Mmh. Un des objectifs de ce documentaire, de ce livre, a été aussi un peu de démystifier, les agents secrets sont des êtres humains. Oui. Mais donc qui peuvent se confier, dans les limites, ils savent très bien ce qui est à dire et ne pas à dire. Ouais, alors, ils sont comme nous, peut-être pas tout à fait. Comment sont-ils recrutés justement, ces agents secrets ? Pour ce service en particulier, on va dire, vous avez soit la voie militaire, le militaire c'est plutôt sur dossier, un peu sur cooptation, et on repère le bon élément qui pourrait être susceptible d'entrer dans ce service. Et vous avez les civils, alors les civils, soit, comment dire, il faut qu'ils rentrent dans le processus d'intégration à la DGSE classique, c'est-à-dire le concours. Il y a un concours d'entrée à la DGSE. C'est ça. Ce sont des gens qui n'ont rien demandé finalement. Enfin, ils ont demandé à rentrer à la DGSE, mais de façon tout à fait officielle, d'avoir un bureau de fonctionnaire à la DGSE. Et tout d'un coup, on les repère, on repère leur CV, ils sont convoqués dans un bureau et on leur fait miroiter un poste mystérieux. Qu'est-ce qu'on leur dit du poste qu'on leur fait miroiter d'ailleurs? Donc on leur dit, est-ce que vous voulez faire ce qui correspond le plus à l'imagerie populaire, c'est-à-dire aller dans un pays de manière clandestine? Évidemment, comme vous dites, ça leur tombe dessus, parce qu'ils ne s'y attendent pas en général, et ça fait partie des premiers tests. Et combien de personnes, sur toutes les personnes convoquées à qui on propose ça sans trop en dire, combien acceptent? Quand vous entrez à la DGSE, vous êtes jeune, vous êtes plein de dynamisme, vous avez une certaine conception du métier, donc évidemment quand on vient vous proposer ça... C'est quand même très très rare que la personne va dire « Ah ben non, je préfère rester dans mon bureau, à faire un métier très tranquille. » Et alors une fois qu'ils ont accepté, évidemment, ils sont pas recrutés d'office. Là, on va s'enclencher toute une série de tests, des tests psychologiques. Qu'est-ce qu'on regarde lors de ces tests psychologiques ? Alors avant tout, ils recherchent des personnes les plus stables et plus posées possibles. Donc surtout pas de prétention, de mythomanie, qui est un peu le biais de gens à l'extérieur des services. Mmh. Donc le but, c'est surtout de repérer des gens qui soient le plus stables, le plus discret, finalement. Et le plus discret, ensuite, ça, on va le voir au sein, avec les tests sur le terrain, etc. Surtout des gens qui peuvent passer inaperçus. Et aussi, qui soient débrouillards et imaginatifs, qui puissent être réactifs dans toutes les situations. Exemple d'un exercice que l'on fait faire à un potentiel futur agent clandestin. Nous sommes en pleine rue, à Paris. Tu vas aller au contact d'une personne que tu connais pas, et tu vas lui demander d'exécuter une action à ton profit. Tu vas travailler dans ce qu'on appelle dans notre jargon par écran. Tu vois derrière toi là-bas, juste après une dame qui est en jaune. Regarde un peu discrètement. Tu vois, t'es un monsieur assis. Tu vas aller voir la personne, lui donner ma sacoche. Hein. D'accord. Tu vas lui demander poliment, avec un prétexte que tu commences à réfléchir, que tu cogites. J'ai combien de temps là pour réfléchir pour le prétexte ? T'as 30 secondes là. Donc tu vas trouver quelque chose pour cette personne, transmettre à la personne qui est au fond là-bas, devant le kiosque à journaux, cette sacoche. Est-ce que tu m'as bien compris ? J'ai pas le droit de me tromper, c'est ça ? T'as pas le droit de te tromper. C'est sérieux là. Hein ? Allez, à toi de jouer. Extrait d'un documentaire diffusé dans l'émission 66 minutes en mai 2017. Là, c'est un exercice. Voilà, on leur donne. Vous en donnez d'autres exemples dans votre livre et dans votre film. Quel type d'exercice on leur fait faire ? Alors, il y a le test qui est mondialement connu maintenant parce que popularisé par un film américain, Spy Game, où la personne est déposée, enfin, le candidat à la clandestinité est déposé au pied d'un immeuble. et on lui dit maintenant débrouille-toi pour que dans 5-10 minutes tu sois au troisième étage, telle fenêtre avec un verre d'eau. C'est ça. Et il n'y a pas de complice, hein. C'est-à-dire que c'est une fenêtre prise au hasard. C'est complètement ça hasard. Peut être un bureau, ça peut être une habitation, et la personne ne connaît évidemment pas les gens qui sont derrière cette fenêtre. Il peut n'y avoir personne d'ailleurs dans l'appartement, au candidat de se débrouiller. Ouais. En sachant qu'en fait, la vraie finalité du test est de voir comment la personne réagit. C'est pas tellement qu'elle réussisse le test, c'est de voir comment elle réagit. Si évidemment la personne d'emblée dit « Ah bah non, je peux pas, commence à bafouiller, commence à trembler », c'est pas bon signe. Ouais. Et de même, à contrario, si elle dit « Oui, je vais y aller, je vais me débrouiller, ça va être facile comme tout », bon, et qu'il n'y arrive pas, ça fait tout de suite montre d'une prétention qui est à fuir. Ouais. Donc c'est vraiment que la personne, eh ben, à la limite, hésite, cherche, bricole, et puis bon, le résultat après importe peu. Oui, mais on est en train de donner des clés au futur. C'est pour ça qu'il faut toujours poser, c'est pour ça que ces tests, on en parle en fait très peu, ouais. Parce qu'il faut évidemment pas donner de clés. Ceux dont on parle en fait sont très connus au sein de la DGSE. Alors bien sûr, s'ils acceptent, s'ils tentent leur chance, 90% disent oui, sont prêts à passer les tests, c'est qu'ils ont évidemment une idée de ce qu'est l'espion, l'agent secret, véhiculé par le cinéma notamment. Il faut que je téléphone. Elle vous rappellera. Qui êtes-vous ? Bond, James Bond. À contrôle exercice de 007, je me présente dans une heure. Vous ne voulez pas vous joindre à moi ? Disons plutôt 2 heures. Le fameux 007, James Bond. En fait, ce sera un très mauvais agent secret, James Bond. Il a il coche mauvais à toutes les caractéristiques que vous avez données. Le côté passe-muraille, le côté qu'il la ramène pas. Je pense qu'il n'aurait pas réussi les tests de sélection de la DGSE. C'est une catastrophe ambulante, si j'ose dire. Oui. À commencer par le fait qu'il donne son nom. C'est quand même assez invraisemblable. Et puis surtout, une fois de plus, donc il passe totalement quand il est complètement reconnaissable à tout point de vue, donc ça ne peut pas être un bon agent. Et au terme de leur formation, une fois qu'ils ont passé toutes les épreuves, ceux qui sont recrutés, on va ensuite leur donner leur première mission de terrain, un peu les tester grandeur nature. Et là, il y a l'épreuve qu'on appelle le franchissement de la douane. Un des premiers exercices auxquels on doit se livrer consiste à remplir une mission simple de renseignement dans un pays étranger et ensuite à revenir. Et au retour en France, souvent les choses se gâtent, puisque les fonctionnaires des douanes, eh bien, trouvent un prétexte au moment du franchissement de la douane pour intercepter l'agent. On doit démontrer que l'on est effectivement ce monsieur tout le monde qui s'est rendu en Bulgarie, en Hongrie ou en Jordanie avec une mission tout à fait légitime. Si les réponses que l'on apporte ne sont pas jugées suffisamment crédibles, eh bien, ça peut durer toute une nuit, voire une journée, une nuit, un petit peu comme une garde à vue. En aucun cas, bien entendu, vous pouvez vous permettre de sortir le joker en disant « Stop, je suis fonctionnaire du ministère de la Défense ». Un nouveau témoignage de votre documentaire « Les guerriers de l'ombre ». Le franchissement des frontières, ça a l'air de rien, mais c'est une épreuve en soi. C'est ce qui est le plus difficile finalement dans l'émission. C'est pas tant d'aller sur le terrain, de recueillir l'information, c'est de la rapporter sain et sauf. Alors, J'exagère peut-être un peu la formule. Oui, parce que le franchissement de douane, c'est un exercice compliqué, mais après, sur place, quand même, ils vont vivre X mois sous une fausse identité, c'est quand même pas très simple non plus. La douane, c'est la première mise en application de ce qu'on appelle donc la légende et la couverture, c'est-à-dire et la fausse vie, la fausse identité et la fausse activité. Donc c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des personnes, normalement, auxquels ils doivent décliner leur nouveau nom et leur nouvelle activité. Mmh. Et donc, ils attendent avec appréhension la réaction de la personne d'en face. Ouais. Les douaniers, là, sont dans le coup, les douaniers qui les questionnent ? Ça peut arriver, oui. Il peut y arriver comme typiquement également en Angleterre, le MI6 fait ça très très bien. Le MI6 pousse d'ailleurs des choses un peu plus loin, parce qu'ils peuvent être un peu plus brutaux. Mmh. Donc là, en France, ça se passe de manière quand même assez convenable. Mais oui, il peut y avoir un peu des connexions pour essayer de tester la dite personne. En sachant que c'est quand même très limité parce que c'est également fournir à la douane l'identité d'une personne et potentiellement montrer à la douane que bah, tiens, cette personne-là, elle est de chez nous. Oui, c'est donc, ça. Donc ça peut être des connexions ou des connivences mais qui ne sont pas forcément très officielles. Ouais. Nous allons voir dans la suite de cette émission des exemples de pays et de contextes géopolitiques dans lesquels des agents clandestins ont eu à intervenir une fois qu'ils avaient passé tous ces tests de sélection. Jean-Christophe Notin est l'invité du Temps d'un bivouac sur France Inter. Gold finger, he's the man with a Midas touch, a spider's touch. a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Goldfinger, c'était Shirley Bassey sur France Inter. Il se peut que je vous appelle pour vous demander si tout va bien. Ou que quelqu'un vous le demande à ma place, ou qu'un pigeon voyageur vous donne le message. Vous allez répondre. Tout va très bien. S'il n'y a pas le très. Et si vous dites juste, tout va bien, alors ça veut dire que ça ne va pas et on intervient immédiatement. D'accord. Extrait de la série Le Bureau des Légendes sur Canal+, qui justement, alors c'est une fiction, mais qui reprend un peu les codes de ce monde des agents secrets que vous décrivez dans votre livre, Jean-Christophe Notin, Les Guerriers de l'Ombre. C'est quoi une légende dans ce monde des agents clandestins ? Alors la légende, c'est la fausse, c'est la nouvelle identité que vous créez, donc la vraie, le patronyme, le nouveau prénom, nouveau nom. Mais également une nouvelle situation maritale ou pas. Est-ce que vous êtes marié, veuf, célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? À quel endroit vivez-vous? Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt, ce genre de choses? En fait, c'est toute votre identité, votre fausse identité, quand vous allez en mission sur le terrain. Le problème, c'est que si elle est trop différente de celui que vous êtes vraiment, c'est intenable, parce que ces missions, elles durent longtemps, des mois, parfois des années sur le terrain. Donc on a intérêt quand même à se fabriquer une légende un peu crédible, un peu qui va avec ce qu'on est vraiment. Une fois de plus, ce sont des êtres humains. Ouais. Donc c'est même la différence par exemple avec le Bureau des Légendes, où on voit quelqu'un qui reste sur place pendant 6 ans d'affilée. C'est impossible, c'est inhumain. Donc forcément, pour tenir une légende et pour prêter le moins le flanc à l'ennemi, entre guillemets, à l'adversaire, il faut que ce soit le plus proche de sa propre vie. Ouais. Donc ce sont des situations relativement proches, des noms qui peuvent être relativement proches, des adresses qu'ils connaissent très bien. Avec des métiers aussi, des professions d'emprunt pour pouvoir être crédible sur le terrain. On comprend à demi-mot dans le documentaire que les professions d'humanitaire, de journaliste, de commerçant ou de commercial ont été employées. L'une des intervenantes dit « Aujourd'hui, c'est des anti-couvertures, on les a tellement utilisées que si on se présente comme ça, on est tout de suite suspect. » Donc ils ont imaginé d'autres couvertures, mais évidemment. Vous n'allez pas nous les donner et je ne les ai pas. Voilà. Ils ne les ont pas donnés et je ne les ai pas. Le but, c'est une fois de plus de trouver une justification, la présence prolongée d'un Français dans un pays étranger. Donc après, on peut tout imaginer, on va dire. Ça peut durer combien de temps, ces missions de terrain ? Alors en général, la mission, comment dire, ils peuvent rester quelques mois sur le terrain, mais ils rentrent en France. Et après, cette couverture, cette identité, ils peuvent la tenir pendant X années, mais ils vont faire des allers-retours avec les pays. Mmh. Parce que, toujours pareil, ils ont une vraie vie en France, ils ont une famille, ils ont une femme, des enfants qu'ils ont envie de revoir. Des exemples de terrains où des agents de la DGSE ont agi clandestinement. Alors, dans votre enquête, vous ne révélez pas précisément les missions, évidemment, qui ont été menées, mais quand même, vous donnez des lieux de conflit sur lesquels le service clandestin a joué un rôle majeur. Il y a, par exemple, l'Afghanistan. L'Afghanistan est vraiment le terrain premier d'emploi de ce service-là, parce qu'il y est resté plus de 20 ans au contact de toutes les parties, ce qui est un cas relativement unique, hein, donc, que ce soit le côté, je dirais, pro-occidental, que, donc Massoud, que ceux qui étaient le plus honnis et rejetés, les talibans. Mmh. Donc vous aviez des gens auprès de toutes ces tendances-là, ça a été une histoire remarquable, c'est une geste, donc des agents qui se sont succédés pendant des années, et pour le coup avec une remontée de renseignements considérable. Mmh. Le commandant Massoud qui était demandeur de l'intervention de la France. La fin de la guerre en Afghanistan est dans les mains de la communauté internationale qui doit exercer de fortes pressions sur le Pakistan. Je veux que la France use de son influence pour rétablir la paix en Afghanistan. Le commandant Massoud, en avril 2001, juste avant qu'il ne meure assassiné, il réclamait que la France se manifeste. Elle le faisait peu officiellement, finalement, mais elle l'a fait énormément par le biais de ses agents clandestins. Alors, Massoud a toujours une présence française du service, enfin de la DGSE, pendant donc plus de 20 ans. Il voulait une intervention de l'Occident plus que de la France mmh. en elle-même. Mais bon, après, évidemment, il en est mort il y a eu le 11 septembre, mais ça fait partie d'une, ça a été une information parmi des milliers d'autres, des centaines d'autres. Donc après, c'est tout le travail d'un service de peser le travail du politique. Quelle perception a-t-il de ce renseignement? Qu'est-ce veut-il en faire? Après, il y a des situations, des contextes, tout ça est très compliqué. Il y a une chose qui m'a beaucoup surprise dans votre documentaire. L'une des personnes interviewées dit à un moment, lui était sur le terrain auprès du commandant Massoud. Et il dit, j'étais évidemment pro-Massoud. On ne fait pas cela si on n'a pas une certaine conviction et si on n'est pas pour les gens avec qui l'on est. De la même manière, mes collègues qui étaient du côté des talibans, et c'est ce qui m'a surpris, eux étaient pro-taliban. Alors après, c'est contredit par un autre témoignage d'un des chefs du service qui dit que normalement les agents sont censés rester en retrait. Alors c'est quoi la vraie version? Ils restent en retrait ou vraiment ils sont impliqués et ils ont des convictions à défendre sur le terrain? Alors la théorie voudrait qu'il y ait une coupure entre l'agent et la personne qu'il traite. Mais évidemment, comme ce sont des gens, ils vont aller des années, bon donc pendant X mois, mais pendant des années auprès de ces personnes dans des conditions très difficiles. S'il n'y a pas un minimum d'empathie, de sympathie pour les personnes avec lesquelles ils discutent, bah pour le coup, la motivation, elle est dure à tenir. Hein. Il faut quand même imaginer l'Afghanistan dans ces années-là, dans les conditions dans lesquelles ces gens-là ont vécu. Si vous ne comprenez pas bien Massoud, si vous n'essayez pas de comprendre un peu les talibans également, c'est quand même dur d'y aller et d'y retourner. Autre région dans laquelle des agents de la DGSE clandestins ont eu à intervenir, c'est l'Irak. Là encore, l'Irak, on a en tête ces conflits, ces guerres qui sont survenues avec George Bush père, puis George Bush l'autre fils, et puis ce bras de fer qui a eu lieu entre la France et les États-Unis sur faut-il y aller ou pas. Là, les agents ont joué quel rôle dans cette histoire? La DGSE a dit au président Chirac que nous n'avons pas de preuves, on ne peut pas trouver de preuves de présence d'armes de destruction massive. Il y a eu le service clandestin en question, mais il y a eu également les interceptions et puis des agents dans le monde entier. Et là, c'est vraiment une collation de ces renseignements et une pondération de ces renseignements qui a permis, par une analyse, de donner ce résultat. Et le pouvoir politique a écouté, ce qui est assez rare. Oui, ce qui est assez rare, ça aussi. Hein, l'un des agents le dit, pour une fois nous avons été entendus, ils en sont assez fiers. C'est effectivement sur la base de ces informations que le ministre de l'époque, Dominique de Villepin, s'est montré ferme sur ses positions avec ce célèbre discours fait à l'ONU. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Discours de Dominique de Villepin devant l'ONU en 2003. Il était alors ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment une fierté hein, des agents clandestins de la DGSE d'avoir donné les renseignements qui ont permis à la France de s'exprimer et de parler fort, de rester droit dans ses bottes, comme d'autres l'auront dit. Et oui, là on touche vraiment, je dirais, la quintessence même de la DGSE, qui est de livrer un avis, une synthèse, une analyse sur quand même une question hautement stratégique. Là, on n'est pas dans le tout venant. Hein. Donc ça a déterminé la politique de la France de ces 15 dernières années, et en différenciation avec les États-Unis et ce que l'Irak a donné depuis. Pour ces quelques fiertés, est-ce qu'il y a aussi des choses dont il se vante peut-être moins, des choses qu'il regrette de ne pas avoir vu venir ou de ne pas avoir pu faire émerger à temps? Je pense évidemment au 11 septembre, il y en a peut-être d'autres. Ah mais forcément, parce que une fois de plus, il y a toute une mythologie sur les services qui savent tout sur tout, ouais. Qui tout ça communique, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des êtres humains qui collationnent le renseignement qu'ils arrivent à trouver. Et donc il y a des renseignements qui ne leur parviennent pas, il y a des renseignements qui sont sous-estimés. Il y a des après tout ça travaille en interne, les renseignements partent dans des tuyaux au sein de la DGSE. Tous les gens discutent, ont des avis différents et des fois l'avis est pas le bon. Mais ça c'est très humain. C'est la DGSE est une administration, c'est comme j'allais dire comme une autre non. Mais dans une administration c'est pas monolithique, il y a pas un avis unique qui a toujours raison. Alors ils ont des fiertés, des regrets, mais ils ont aussi à côté de ça leur vie privée. Leur famille, alors comment ils gèrent ça? Déjà, est-ce que leurs conjoints sont au courant du métier qu'ils font? Alors c'est vraiment ce sur quoi on a vraiment le plus insisté dans ce documentaire et dans ce livre, c'est le portrait de ces personnes. C'est ça qui est le plus fascinant, à vrai dire. Et c'est ce schisme, cette fracture entre ce qu'ils vivent sur le terrain et ce qu'ils vont retrouver à Paris, enfin à Paris en France. Et donc non, la compagne, le compagnon en général sait qu'il y a appartenance à la DGSE, mais ne sait pas ce que son compagnon va faire dans le pays en question. Et la fracture est là, parce qu'évidemment ce sont des conditions très pénibles dont il ne pourra pas parler. Oui, mais on se demande comment tenir psychologiquement dans une telle schizophrénie. Ça paraît incroyable de tenir longtemps sans pouvoir parler à ceux que l'on aime, ceux dont on est le plus proche, sans avoir l'impression de leur mentir, de ne pas leur dire ce qu'on fait réellement. Alors c'est là où ils sont à la fois exceptionnels, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est à la fois là les conséquences de ce métier. Il y a beaucoup de couples qui évidemment cassent et des gens qui sont fatigués, je dirais, intellectuellement au bout d'un certain nombre d'années. Ouais. Comment trouver une stabilité dans tout ça? Réponse de l'un de ces agents que vous avez rencontré. On est à la fois de grands dépressifs et puis des gens avec une grosse énergie intérieure. Donc le spleen, oui, je pense qu'on l'a toujours. Enfin, dès le départ, je pense qu'on l'a. C'est-à-dire que on a très peu d'illusions sur l'espèce humaine. Avant, on en a peut-être pas plus après. Et en même temps, on est très content des rencontres qu'on peut faire au jour le jour, des gens qu'on a pu croiser. Donc il y a ce côté à la fois un peu déprimé et ce côté un peu enthousiaste qui fait que c'est peut-être ça la stabilité en fait. C'est un équilibre instable. C'est on jongle entre les deux en permanence où les deux s'équilibrent. Jean-Christophe Notin, tous un fond un peu dépressif. Il faut l'être pour faire ce métier ou on le devient quand on fait ce métier? Je pense qu'on le devient, parce qu'évidemment ce sont des situations très complexes. Là on en parle de manière très amicale et très enjouée. Mais il faut bien imaginer, ce sont des mois de vie pénible, avec le risque permanent, avec le risque de capture, avec le risque de compromettre sa propre personne, mais tout le pays. Parce que il y a une responsabilité. Oui, l'agent de la DGSE sur le terrain, et c'est le représentant de la France, c'est pas rien. Donc évidemment ça a des conséquences sur le caractère que l'on peut imaginer. Ces hommes et ces femmes sacrifient beaucoup, on l'entend. Nous allons voir dans un instant qu'il arrive que ces opérations secrètes tournent mal. Nous verrons aussi comment ces hommes et ces femmes de l'ombre retournent à une vie professionnelle plus classique après avoir été agents clandestins. Le temps d'un bivouac dans un nid d'espions cet après-midi sur France Inter. Troisième Bloody Mary, ce soir l'alcool te fait sourire et nous ne connaissons à peine. Ta lèvre supérieure s'agite et brûle dans mon cœur l'envie de redresser les ailes. Là-haut, je vis, là-haut, je ne vois plus le ciel. ciel depuis qu'une ombre a traversé mon nid. Mais j'aime quand tu souris et nous ne connaissons à peine. Bloody Mary de Baptiste Hamon sur France Inter, le temps d'un bivouac. On sentait, enfin j'ai senti en le voyant, un homme déterminé. Il a longuement regardé mes papiers qui étaient évidemment bien entendu faux. On était dans une cave au fin fond d'un quartier complètement paumé d'une ville africaine. Et vous vous dites là pendant ces 2 minutes que votre sort est entre les mains d'une bande que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue. Vous vous sentez totalement vulnérable. Et vous savez pertinemment que le moindre stress que vous allez manifester peut être mal perçu et peut insinuer que vous êtes un espion. On bascule de la notion de « on vous parle » ou de la notion de « vous êtes un espion » et vous allez vous retrouver otage. Donc tout ça, c'est pour moi, je dirais, 2 minutes les plus intenses de ma vie de clandestin. Je ne les oublierai jamais. Une situation particulièrement tendue vécue par l'un de ces agents clandestins de la DGSE, c'était en Somalie. Comment on les prépare psychologiquement à affronter ça, Jean-Christophe Notin, vous qui les avez interviewés? Alors c'est là que les tests sont là pour justement percevoir le degré de résistance et surtout après c'est l'accumulation des missions. Évidemment on va pas les envoyer dans la mission la plus compliquée dès le début, donc ça va être une mission relativement simple entre guillemets. Et puis petit à petit il va y avoir un crescendo pour arriver à ce genre de missions qui sont confiées aux plus expérimentés. En Somalie, le public, le grand public a eu connaissance de la présence d'espions sur place parce qu'une opération a mal tourné. Elle impliquait 2 agents de la DGSE, Denis Alex et Marc Aubry. Hier, raconté. Alors, ils ont été envoyés en Somalie dans le cadre d'accords avec le pays local pour des problèmes de formation, on va dire, hein, de manière assez globale. Et ils ont été arrêtés très peu de temps après leur arrivée en Somalie, sans doute dénoncés. Et Voilà, donc leur appartenance, pour le coup, à la DGSE a été très vite levée. Ouais. Ils avaient une couverture de journalistes, hein, je crois, quand ils sont... Puisque ça a été dit, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est, je le sais sans que vous me l'ayez dit, je l'ai vu dans les journaux, je crois, de l'époque. Oui. Alors, Marc Aubryère parvient à s'échapper, ça n'est pas le cas, malheureusement, de Denis Alex. Il y a une sorte de solidarité, quand même, à la DGSE. L'un des leurs est retenu en otage sur ce terrain miné qu'est la Somalie à ce moment-là. Une opération va être lancée pour essayer de le libérer. Malheureusement, ça se passera mal. Commençons ce soir par la Somalie, où Denis Alex, membre de la DGSE, était retenu par des groupes islamistes depuis le 14 juillet 2009. Une opération commando d'exfiltration a été menée. L'otage serait apparemment mort, selon les autorités françaises. Un soldat aurait également été tué lors de l'intervention et un autre est porté disparu. Il sera resté en captivité pendant plus de 3 ans, hein, Denis Alex, pour finalement être abattu lors de la tentative de sauvetage. Ça a laissé des traces à la DGSE. On se demande, est-ce que ce genre d'histoire, ça arrive plus souvent mais on n'est pas au courant, et pour une fois ça a filtré et on en a entendu parler dans les médias, ou est-ce que ça reste extrêmement rare qu'un agent soit tué ? Par essence, je ne sais pas tout, donc ça a pu arriver sans que je le sache, évidemment. Donc ça veut dire que ça peut arriver sans que le grand public soit informé. De toute façon, ça peut arriver qu'un agent clandestin dans un pays étranger soit arrêté et qu'il arrive à ce qu'on appelle tenir sa légende, et donc on ne sache jamais qu'il a appartenu à la DGSE et qu'il soit retenu prisonnier X mois ou X années. Moi, j'ai pas eu connaissance de cas, mais ces personnes sont bien gardées de me les donner. Ouais. Mais toute la difficulté, on imagine, dans ce cas-là, c'est de réussir à récupérer l'agent sans montrer qu'on y tient trop et qu'on y attache une importance. Évidemment, s'il se retrouve emprisonné dans un pays ennemi et qu'on commence à faire des pieds et des mains pour le rapatrier, on va se douter qu'il y a quelque chose avec cet agent. Et oui. On imagine toute la difficulté. Comment les familles vivent? Comment on vit avec cette menace? Ah, c'est là où vous avez des agents exceptionnels, mais vous avez des familles exceptionnelles. Ouais. Généralement, ça va de pair. Donc, ce sont des épouses ou des époux, tout ça fait qui font une confiance absolue en leur conjoint, qui savent que de toute façon, c'est leur passion, c'est leur métier, qu'ils le feront, qui donc ensuite doivent essayer de tenir le choc. Et ça aussi, ça vient avec le temps. Ouais. C'est très dur au début. Et le retour des missions aussi est très difficile pour ces agents, parce qu'on passe de l'adrénaline, de la vie extraordinaire à la vie plus ordinaire, plus classique. Le retour chez soi est parfois difficile. Quand vous revenez d'un conflit, quand vous êtes dans la guerre, quand vous êtes confronté à la mort et vous voyez la mort, vous vous retrouvez du jour au lendemain dans Paris. Et cette période transitoire est un peu complexe. Il y a eu des moments, effectivement, de décompression qui n'arrivent pas forcément tout de suite et qui, je pense, jouent sur le comportement. Et je pense que ça a été une excellente chose de faire un point psychologique avec les officiers traitants sur le terrain, confrontés à des situations difficiles et se retrouver plongés dans un milieu normal. Je pense qu'il y a des implications psychologiques fortes que l'on doit digérer. Je pense qu'il faut, à ce moment-là, être très modeste, regarder les choses telles qu'elles sont, et se dire qu'effectivement, on ne sort pas forcément indemne de tout cela. Jean-Christophe Notin, ce qui frappe dans tous ces témoignages que vous avez recueillis, c'est qu'ils sont d'une lucidité, en tout cas semble-t-il, extrême. Hein. Ils ne se font pas de films, ces gens-là. Ils sont conscients des risques qu'ils prennent sur le terrain, mais aussi des risques psychologiques qu'ils prennent à mener ces espèces de double vie en permanence. On reste longtemps agent clandestin à la DGSE? Ça dépend ce que vous appelez longtemps. En moyenne, c'est une dizaine, quinzaine d'années. On ressort esquinté après ces 10 ou 15 ans? Oui, en général, ils sont quand même assez fatigués intellectuellement, physiquement, hein, parce que c'est un enchaînement de voyages et de contraintes diverses. Et intellectuellement, parce qu'une fois de plus, passer de zones de crise, de famine, de guerre, à des situations de paix en France et encore, maintenant nous avons les attentats en France également, c'est dur. Et le retour à la vie normale, à une vie professionnelle, c'est-à-dire que, pas le retour de mission, mais après ces 10 ou 15 années, quand on se réinsère dans une vie de bureau, ou en tout cas une vie beaucoup plus classique, c'est facile? Alors, il y a un petit pourcentage pour lequel ça pose vraiment aucun problème. Ils considèrent qu'ils ont tourné la page, donc ils vivent un nouveau métier. Pour beaucoup, ça peut poser quand même des problèmes. Mmh. Vous passez d'un métier d'adrénaline complète, avec des moyens que n'a pas le Vulgum Pecus, à une situation bien plus classique, prosaïque de routine. Mmh. Et évidemment, la transition est difficile. Allez, dernière question, Jean-Christophe Notin. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont accepté de vous répondre sur des sujets aussi sensibles et des choses qui doivent rester secrètes? Ils ont voulu, je pense, montrer le métier tel qu'ils l'ont vécu et tel qu'on ne le montre jamais. Donc, débarrasser des fantasmes et avec la vraie vérité du métier qui est bien plus intéressante. Et c'est donc à découvrir dans ce livre paru chez Talendier, Les guerriers de l'ombre. Merci Jean-Christophe Notin. Et dans un instant, on s'éloigne des espions pour parler d'une profession moins dangereuse, celle de rédacteur de guide de voyage. C'était Rockfishes de Fat White Family dans le temps d'un bivouac sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka. Je sais pas vous, mais moi quand je pars en vacances avec un ou deux guides de voyage dans le sac, il y a toujours un moment où je me demande comment le guide a été fait. Est-ce que les auteurs ont dormi dans toutes les chambres d'hôtes qu'ils conseillent, mangé dans tous les restaurants qu'ils mentionnent, visité tous les musées dont ils parlent ? Puis je m'interroge sur ce métier. Est-ce qu'on prend du plaisir à voyager quand on le fait pour repérer le terrain pour d'autres ? Ce sont ces questions qui m'ont donné envie d'inviter Jean-Bernard Carrier, auteur pour les guides Lonely Planet, et Benoît Lucchini, auteur et rédacteur en chef adjoint du guide du routard. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a des bonnes cartes, s'il y a des bonnes adresses, si c'est joli, s'il y a une petite partie sur l'histoire. À quoi ça vous sert un guide ? Bah à tout. À réserver les hôtels, à faire l'itinéraire, quand on part en individuel. C'est indispensable. On fait confiance quand même, on l'utilise assez régulièrement pour faire les trajets. Ça permet surtout de, on est là que pour 8 jours, de gagner du temps. On l'entend, hein, les guides de voyage sont devenus un outil précieux pour bon nombre de voyageurs et de touristes. Alors l'un et l'autre, vous êtes passé, parce que ça fait un petit moment hein, que vous faites presque une vingtaine d'années, hein, pourtant vous n'êtes pas si vieux. Trentaine pour ma part. Trentaine, ouais, je voulais pas vous vieillir. J'en reste à 20, effectivement. Voilà, 20 et 30 ans. Vous êtes passé par combien de pays pendant toutes ces années, Jean-Bernard Carlier, donc 20 ans pour vous. Alors, il faut distinguer les pays que j'ai visités par moi-même et les pays que j'ai couverts pour Lonely Planet. Oui. En tout, j'ai visité 111 pays, ce qui représente effectivement presque les deux tiers de la planète, et je continue à découvrir de nouveaux pays. Benoît Lucchini. Oh, je dois en être à une centaine aussi, mais il faut dire que par exemple, quand on va en Inde, l'Inde c'est multiforme. C'est j'y suis allé une vingtaine de fois, mais à chaque fois c'est un voyage totalement différent. Quand ça prend pas le même temps que pour le Luxembourg. Voilà. Ah, bien sûr, ouais. Tamil Nadu, le Kerala, le Sikkim ou le Rajasthan. Je dirais, j'ai fait 20 voyages en Inde, c'est 20 pays différents. Ouais. Mais on y prend encore du plaisir. On a l'impression que vous êtes devenu des sortes de stakhanovistes du voyage. Vous devez voyager beaucoup, non, vite. Moi, je dirais qu'on est des passionnés. Moi, je suis resté passionné. Moi, je voyageais déjà dans les atlas quand j'avais 6 ans. Et en fait, là, je vis mon rêve. Là, je suis plus dans les atlas. Je suis sur le terrain. Je découvre sur le terrain ce que j'avais en tête quand j'étais gamin à 6 ans. Et c'est vrai que le principal moteur, ça reste la passion. Donc, vous avez parlé qu'on voyage effectivement beaucoup. L'année dernière, j'ai passé 8 mois sur le terrain. C'est vrai que c'est le sommet de l'échelle. Hein. Mm-hmm. Je pense pas que je ferai plus longtemps sur le terrain. Moi, ma fourchette, c'est entre 4 et 8 mois sur le terrain par an. Donc, ça représente effectivement beaucoup de temps passé à l'extérieur. Mais le moteur est toujours là. Et je crois que c'est cette motivation, cette espèce de flamme qu'on a intérieurement qui nous fait bouger. Et moi, je me lasserai jamais de découvrir. Et le jour, si un jour, par malheur, je devais me lasser, je pense que j'arrêterai, c'est tout. Alors, un exemple, les dernières destinations par lesquelles vous êtes passé, Jean-Bernard Carrier. Alors, ça va du loin au proche, hein, je crois. J'aime les deux. Ça me reflète assez bien, finalement. Ouais. Je suis très ancré dans mon terroir français. Je le revendique. Vous revenez de la Drôme. Je reviens de la Drôme, des collines. C'est vraiment un terroir très peu connu. Et j'adore découvrir ces régions et les faire découvrir. Et en même temps, j'ai un vrai goût pour le lointain et les antipodes. Les antipodes du Pacifique en particulier. Ça reste quand même ma région de prédilection et d'expertise. La Polynésie, la Calédonie, les Fidji, le Vanuatu, les îles Salomon. Ces destinations. Mm-hmm. Alors, est-ce vraiment pour autant un job de rêve ? Certains le pensent, mais ils ont été déçus. Par exemple, Vincent Noyou qui a écrit « Touriste professionnel, l'antiquité ». Guide de voyage, je vous propose d'écouter sa désillusion. Oui, j'ai voulu un peu démythifier ce métier parce que moi j'étais comme tout le monde, je pensais que c'était le job le plus beau de la Terre, c'était passer sa vie à voyager finalement et être en vacances. C'est pas ça du tout, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de prise de notes. On n'a pas souvent le temps de mettre les pieds dans le lagon, donc oui, c'est pas mal de frustration. Voilà, Vincent Noyau qui vient un peu casser l'ambiance. C'est un travail de rêve ou un métier frustrant que vous exercez l'un et l'autre ? C'est un métier absolument de rêve. Moi, je sais que j'avais envie de voir les choses en direct. Moi, lire des bouquins, ça m'emmerdait. Donc j'avais envie de voir les choses, être au contact avec la réalité, de parler aux gens. Et puis après, d'être capable d'analyser ça et de le mettre par écrit. Parce que quand vous êtes obligé de porter un regard sur les choses quand vous devez écrire. Donc, tiens, qu'est-ce que je pense véritablement de ça ? Et quels mots je vais mettre derrière ça ? Et derrière, en plus, le partager. Donc, voir les choses, rentrer en contact avec les gens, l'analyser et le partager. C'est absolument génial. Moi, c'est un métier de passion. J'ai toujours rêvé de faire ça, de voir du pays. C'est simple, c'est une motivation finalement très, très claire. Voir du pays, voir des gens, voir d'autres cultures, que ce soit ici en France ou effectivement aux antipodes, comme je vous l'ai dit. Mais cette motivation-là, elle est exceptionnelle et c'est pas du tout des vacances. Donc effectivement, les journées sont extrêmement remplies. Oui. Il peut y avoir une frustration parce qu'on reste peut-être pas aussi longtemps qu'on le voudrait dans certaines destinations, dans certains endroits. Lui, il a parlé de lagons, il a pas le temps de s'y mettre, Vincent. Mais moi, j'ai quand même le sentiment, les lagons, je les connais très très bien. Donc j'ai pris le temps aussi de m'immerger, c'est le cas de le dire. dire. Mm-hmm. Donc cette démarche, j'aime beaucoup dans ce métier que nous faisons, c'est cette immersion totale. On est en empathie complète avec le pays dans lequel on est, la destination dans laquelle on est. On fait complètement corps avec ça. On est une grosse éponge qui absorbe tout et après il faut filtrer tout ça. Et c'est une démarche qui est quand même exceptionnellement gratifiante. Quelle qualité il faut avoir pour faire ce métier ? La curiosité, l'envie d'être d'écouter, donc avoir les oreilles, je dirais, bien pendues, et la langue aussi bien pendue. C'est-à-dire, faut rentrer en contact avec les gens pour savoir assez rapidement. Ouais. Effectivement, vous arrivez dans une ville, il vous faut les 5 meilleurs rapports qualité-prix dans la rubrique bon marché, dans la rubrique prix moyen et dans la rubrique plus chic, en tout cas pour au routard. Et comment on s'y prend concrètement? Parce que nous, rencontre des gens, ouais, des lectures, des offices de tourisme qui peuvent aussi nous conseiller, et les hôteliers, les chauffeurs de taxi, etc. Comment on évalue, vous n'allez pas dormir partout, vous n'allez pas manger dans toutes les gamelles, dans toutes les... Alors, vous goûtez pas tous les plats à la carte? On goûte évidemment pas tous les plats à la carte. En revanche, on teste tous les restaurants qui sont dans nos guides. En revanche, on ne peut pas dormir dans tous les hôtels, évidemment. Ouais. Mais moi, en un quart d'heure, 20 minutes, en ayant parlé avec le propriétaire, on a visité un certain nombre de chambres, en posant un certain nombre de questions, on a tout de suite le feeling. Celui déjà qui ne veut pas vous faire voir ses chambres, oui, parce qu'il a autre chose à faire. Donc bah, celui-là, déjà, il a déjà 2 points en moins. Ouais. Parce qu'on ne se présente pas, évidemment, tout ça est absolument incognito. Mais alors, le fait de bien accueillir la personne qui va simplement voir une chambre... Alors, Jean-Bernard parlait d'un hôtel de luxe, effectivement. Alors là, je mets mes beaux-parents à contribution très souvent, parce qu'ils vont venir, évidemment, avec une bande de copains, passer une semaine dans l'hôtel. Alors, il faut être comédien. Voilà. Donc là, on peut raconter un bavard. On ne donne pas, évidemment, de date précise, parce que ce serait mentir. Et là, ça ouvre beaucoup de portes. Et on rassemble très rapidement, en fait, une convergence, ouais, si vous voulez, d'informations. Et ça fonctionne quand 10 personnes vous disent... Ouais. Ah, il faut à tout prix que vous alliez là, parce que face à la cathédrale, vous avez le plus beau coucher de soleil, et en plus, on y mange du tonnerre, ouais, et c'est un des prix les plus imbattables. C'est de l'enquête, faut recouper. Du recoupement, on est des journalistes, on recoupe l'info, et on la vérifie, et on va sur le terrain pour essayer les choses, on est des petits artisans. Moi, je dirais, en fait, la principale difficulté, parce qu'il y en a une, quand même, la difficulté de ce métier, c'est qu'en fait, on a des approches très transversales d'une destination. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en Corse, par exemple, vous allez faire de la randonnée, vous allez faire le GR20, ça fait partie de mes attributions, ouais, de faire ce fameux GR20. C'est quand même très engagé physiquement. Ouais. Donc, il faut avoir déjà un petit côté quand même sportif, baroudeur, ça c'est clair. À côté de cela, il va falloir aussi comprendre aussi ce que c'est que les églises baroques dans la Castaniche. Donc, il faut avoir aussi une certaine culture, une solide culture, un socle culturel assez important pour pouvoir justement parler de tout ce petit patrimoine. Ou l'église romane de Murato. Ou l'église romane de Murat. Donc, il faut avoir cette capacité à être à la fois sportif, à la fois avoir une démarche culturelle assez prononcée. Et puis, à côté de ça, il faut être un bon vivant. Une approche très, très, très multidimensionnelle. Combien de langues les uns et les autres? Moi, bêtement 3, le français, l'espagnol et l'anglais. Moi, j'ai pas trop de mérite, je suis traducteur de formation, donc c'est vrai que je parle le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, j'ai des connaissances de portugais, et je me suis beaucoup intéressé au turc, c'est une langue que j'aime beaucoup, parce que j'ai couvert la Turquie pour l'Oniplanet pendant près de 5 éditions, donc j'ai beaucoup aimé cette langue, et je l'ai ajoutée un petit peu à mon arc. Voilà. Nous étions en 1976, donc 3 ans après la création de ces guides, et visiblement, à cette époque, tout le monde n'était pas encore convaincu de leur utilité. Lorsqu'on a décidé d'écrire les guides du routard, on s'est dit il faut que la route soit accessible à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire accessible? Si c'est une question de finances, si justement le routard partait avec pas beaucoup d'argent, c'est qu'il n'avait pas besoin de savoir qu'elle lui était accessible, qu'il pouvait aller dans tel restaurant à tel prix. Il savait que de toute façon, même s'il n'y avait pas de restaurant à tel prix, ben il ne mangerait pas grand-chose, il mangerait comme les gens du pays, un peu de riz et puis c'est tout. Accessible aux gens que nous sommes, des gens inscrits dans une certaine civilisation, dans une certaine mode de vie. Nous étions le 16 juin 1976, les après-midi de France Culture, donc il y a tout juste 40 ans, et apparemment, autour de la table, certains trouvaient que ces guides n'avaient pas vraiment... C'était presque antinomique avec l'idée de « on est routard, si on est routard, on va à l'aventure, on n'a pas dans la poche c'est génial, adresses. Les grincheux. Effectivement, on peut toujours critiquer cette manière de voir, mais on essaie de donner un coup de main de manière assez humble, vous savez, en réalité, hein, aux gens qui partent, leur donner un coup de main, essayer d'ouvrir des portes. Et puis après, vous savez, un guide, ça se fait. Et puis on essaie de faire son voyage à soi. Jean-Bernard Carrier. Vous savez, l'esprit routard, comme vous l'avez nommé dans les années 70, il existe quand même plus tellement. Les voyageurs ont énormément changé. Moi, je suis de la génération, donc je suis né en 68. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois ces fameux jeunes quand ils voyagent. C'est plus du tout le même profil que nous, on avait quand on allait en Grèce, en Turquie, on allait camper sur les plages. C'est plus du tout ce profil-là. Donc, le routard d'aujourd'hui, enfin, le voyageur sac à dos d'aujourd'hui est plus du tout le même que celui qu'il y avait dans les années 80. Donc, il demande plus de confort, il est connecté, il a sa tablette, il a son iPhone, il fait de la recherche recherches sur Internet, il a le guide Lonely Planet ou le Routard en main. Mmh. Enfin bref, il a vraiment une autre façon d'approcher le voyage qu'à l'époque. Donc ce côté petit budget systématiquement, c'est plus tout à fait le cas. Il y en a vraiment pour c'est tous les budgets. Mais c'est pas grave. Les choses ont évolué. Mmh. Il faut voir la réalité d'aujourd'hui et on s'en fout de ce qui se passait à la limite hier. Le monde a évolué. Effectivement, la première question qu'on se pose aujourd'hui quand on arrive dans une petite adresse, c'est est-ce que vous avez le Wi-Fi ? Pas est-ce que vous avez l'eau chaude ? Non, mais c'est étonnant. Mais les choses ont changé. C'est une réalité qu'il faut accepter et dont il faut tenir compte dans nos guides, évidemment. Merci Benoît Luchini. Je rappelle que vous êtes auteur et rédacteur en chef adjoint du Guide du Routard. Et merci à vous Jean-Bernard Carrier, auteur pour les guides Lonely Planet. Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale. Et merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. N'oubliez pas que tous les épisodes diffusés depuis le début de l'été et tous les épisodes du Temps d'un Bivouac sont à podcaster sur franceinter.fr. Bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.